Voici, ça ira mieux demain. On va avoir un roulement de tambour, s'il vous plaît. Surprise! Il y a quelqu'un! Salut. Pourquoi t'es venu ici? Tout va bien. Alors il faut que tu sois honnête avec moi. J'ai hâte de voir ta tronche quand on l'aura dégoûté. Dis donc, t'as vachement bien géré. Et maintenant ou jamais. Ça ira mieux demain. L'émission! Parce que les séries de demain commencent aujourd'hui. Accompagnez-moi. Ne laisse rien faire obstacle à ce qu'il fait vibrer. Soyez à mes côtés. Bienvenue au palais. Mais il n'y a rien que tu désires vraiment plus que tout au monde. Ça ira mieux demain. L'émission! Fadjet. Que la fête commence, les amis! C'est un nouveau numéro pour Ça ira mieux demain l'émission, avec bien sûr votre serviteur Laurent qui est toujours là et Manon qui n'est pas loin non plus. Et on va commencer tout de suite par le choix de Manon, c'est une tradition désormais. Et là, nous partons vers une chanteuse que tu affectionnes particulièrement. Ah oui, je l'adore. Il s'agit de... Olivia Rodrigo. Et Olivia Rodrigo revient avec un nouveau titre, alors qu'elle a sorti un nouvel album il n'y a pas très longtemps. Ce titre ne figure pas sur l'album, puisque c'est un titre inédit. Un titre inédit. C'est Can't Catch Me Now, non ? Oui, c'est ça. Tiré de la bande originale du film Hunger Games qui va sortir. Alors, pour tout vous dire, le 15 décembre. J'ai passé la chanson dans le lecteur et dans le lecteur, c'est écrit avec des pattes de mouche. Exactement. Alors qu'avant, c'était écrit en gros. Oui. Donc voilà, c'est le nouveau Olivia Rodrigo tiré d'Hunger Games. Vous savez, il y a eu une série de films. Le film qui sort en décembre, du coup ? Et le film qui sort, je crois, à la mi-décembre. Voici donc Olivia Rodrigo dans une chanson un petit peu plus chaloupée que d'habitude. C'est pas non plus la grande rigolade, hein, mais... There's blood on the side of the mountain. There's writing all over the wall. Shadows of us are still dancing in every room and every hall. There's snow falling over the city. You thought that it would wash away the bitter taste of my fury and all of the messes you made. Yeah, you think that you got away, but I'm in the trees, I'm in the breeze, my footsteps on the ground. You'll see my face in every place, but you can't catch me now. Through waiting grass, the months will pass, you'll feel it all around. I'm here, I'm there, I'm everywhere, but you can't catch me now. No, you can't catch me now. But you thought I'd never do it, thought it'd go over my head. I bet you figured I'd pass with the winter, be something easy to forget. Oh, you think I'm gone 'cause I left, but I'm in the trees, I'm in the breeze, my footsteps on the ground. You'll see my face in every place, but you can't catch me now. Through waiting grass, the months will pass, you'll feel it all around. I'm here, I'm there, I'm everywhere, but you can't catch me now. No, you can't catch me now. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. You can't. You can't catch me now. I'm coming. a storm into your town. You can't catch me now. I'm higher than the hopes that you brought down. You can't catch me now. I'm coming like a storm into your town. You can't catch me now. Blood on the side of the mountain, it's turning a new shade of red. Yeah, sometimes the fire you found it don't burn the way you'd expect. Yeah, you thought that this was the end. C'était donc le nouveau single d'Olivia Rodrigo. Je la vois bien dans Hunger Games, la chanson-là. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Elle est très adaptée. Tu me l'as pris de la bouche. On imagine bien... oui, Laurent, tu as un souci? Non, pas du tout. Tu me l'as pris de la bouche. Ah, d'accord, pardon. J'ai fait le poisson. D'accord. Sans plus attendre, nous allons parler d'une série, d'un jeu-série. C'est nouveau. Ça, c'est pas, non, nouveau, non, ça c'est pas nouveau, non, mais je veux dire, le concept commence à se développer, puisque je vous rappelle que dans moins de 3 semaines, on va découvrir Squid Game, le jeu, adapté donc de la série en jeu télévisé. Là, c'est pas tout à fait le même style, mais c'est quand même, j'ai voulu vous en parler parce que Manon le regarde depuis 3 saisons. Et hein, tu as vu les 3 saisons. Oui. Et moi j'ai regardé le spécial Halloween. Alors cette série, ça s'appelle, c'est une série de jeux de Prime Video, LOL. Et la série, c'est LOL qui ressort. Et donc en pleine période d'Halloween, Philippe Lachaud donc a préparé une belle surprise aux abonnés de Prime Video, puisque la plateforme de streaming et le maître du jeu LOL qui ressort ont décidé de concocter une édition spéciale Halloween. Toujours basé sur l'humour, LOL qui crie sort. Et rit aussi. Hein, et qui rit également aussi. Elle réunit donc des candidats des 3 premières saisons. Alors il y en a que je ne connaissais pas, d'autres qui sont plutôt connus. Hakim Djemili, Audrey Fleurot elle-même. Et c'est assez intéressant de voir comment Audrey Fleurot évolue dans ce jeu-là, je trouve. Fadili Camara, Bérangère Criff, Ahmed Silla, excellent. Kian Corandi, Camille Lelouch. Camille Lelouch qui tape un peu sur le système, hein, parce qu'elle est un peu particulière, Camille Lelouch. Et le fameux Gérard Darmon, inimitable. Tous ces personnages-là vont se retrouver dans une pièce. Je ne sais pas si tu as déjà regardé, toi qui es Amazon Prime, tu as déjà regardé ce alors, je n'ai pas encore regardé, mais j'ai mon petit cousin qui m'en a parlé en long et en large. Et ça me donne vraiment envie de regarder. C'est vrai. C'est sympathique, c'est divertissant. C'est vraiment très très drôle. Et en plus, savoir qu'ils sont payés pont d'or pour faire ça, c'est intéressant aussi. Certainement, mais bon, ils jouent pour une association quand même, hein. Oui, non mais donc voilà. Le gagnant permettra à l'association qu'il soutient de remporter 150 000 euros, et cette édition spéciale de 5 épisodes de 40 minutes qu'on a regardé en une soirée. Donc voilà, pour ainsi dire, Manon, nous n'étions pas d'accord sur le choix de la série à regarder. Si vous voulez savoir notre vie, et Manon m'a dit tiens, moi j'ai envie de rigoler, on va regarder ça. Et on rit vraiment. Si tu m'accordes un épisode, après on regarde autre chose. À chaque fois c'était allez, on continue. Et finalement on a été jusqu'au bout. Voilà, et en voici justement la bande-annonce, une bande-annonce très alléchante. Où on retrouve des mots de Gérard Darmon qu'on ne pensait jamais qu'il pourrait prononcer. Soyez les bienvenus dans ce LOL très spécial. Si tu ris, tu sors. Mais si tu cries, tu sors aussi. Qui c'est qui me touche? Qui c'est qui me pointe derrière moi? Il y a déjà des trucs dans les veuves. Ne crie pas. Je vais y rester. C'est un télé-shopping coquin. Alors, la poupée Elodie, on la jette, elle se gonfle instantanément. Non, ça faille vraiment m'éteindre. Tortilla Challenge, un jeu, c'est très simple. Tu joues à Shifumi. Mets de l'eau dans ta bouche, celui qui perd... On n'est plus dans notre état normal. Je me suis dit, ils vont arriver, ils ont l'expérience, ça va être très dur, très très dur, tu parles. Je pense que cette saison est pour moi. Je suis pas solide sur mes appuis. Je reviens avec l'envie de gagner. J'ai un truc dans les mains, je sais pas ce que c'est. Non, c'est ma teuf. Là, c'est carton rouge. Alors, on fait le jeu des morts les plus pourris pendant que t'es en train de parler. Moi, ce que je voulais vous dire, c'était par rapport à... Voilà, LOL qui rit mais qui crie sort également. C'est vraiment très très drôle. Je sais pas, il y a bon pour vous expliquer, ils ont un joker quand même. Hein. Ils ont effectivement une chance avant de sortir. Ils peuvent avoir effectivement un sourire ou un rire. Mais au deuxième rire, il quitte la pièce. Et au début, effectivement, ça. Le premier épisode n'est pas très trépidant, mais après on se. Bon après, c'est-à-dire et ça dure 6 heures. C'est-à-dire qu'ils sont enfermés 6 heures. Et donc, ils ont 6 heures, il faut qu'ils tiennent 6 heures en étant tous dans une même pièce. Et c'est plutôt assez cocasse. Moi, j'ai bien aimé Audrey Fleurot, des personnages qui se détachent, c'est Audrey Fleurot, Camille Lelouch. Camille Lelouch qui est quand même assez énervante. Mais bon, on ne vous dira pas qui a gagné, mais n'hésitez pas, un grand moment de détente pour votre week-end si vous avez Amazon Prime. LOL, qui crie sort, et en plus ça vous permet un peu de rattraper les autres épisodes, et puis si après vous pouvez regarder les autres séries si vous en avez envie. Dans un autre style, maintenant, ouvrons notre palais pour des bandes annonces assez sympathiques encore cette semaine. Bienvenue au palais. Eh bien, dans notre palais, nous allons parler de Noël. Ça y est, nous sommes peut-être les premiers, pas encore que on ne soit pas les premiers parce que nous avons découvert en quittant notre domicile ce matin que déjà un de nos voisins avait déjà mis le Père Noël à son balcon un 10 novembre. Donc, Et du côté de TF1 et M6, on a mis les téléfilms de Noël, TMC aussi. Voilà, c'est ça. Non mais c'est la première fois que je vois quand même des maisons déjà décorées un 10 novembre. Donc, les gens sont pressés maintenant. Les gens sont pressés. Et donc, rappelez-vous, l'année dernière, je vous avais passé justement au moment de Noël un super parloir sur Super Noël, la saison 1, qui n'a jamais été diffusé parce que je n'étais pas venu avec la clé. Ah oui, rappelez-vous. Oui, mais on l'avait eu en replay sur samedi.fr. Exactement, mais il n'avait pas été diffusé. Oui, alors donc là, on va le diffuser. Non, pas du tout. Mais là, j'aurais pu jouer les feignants et dire, voilà, avant la saison 2, je vous le repasse. Peut-être que je vous le ferai si à un moment donné, je suis à faune. Mais là, on est très heureux de retrouver la saison 2, où on retrouve la famille Calvin, qui est de retour au Pôle Nord. Et Scott, qui poursuit son rôle de Père Noël après que ses plans de retraite aient été contrariés par l'impossibilité de trouver un successeur digne de ce nom. Parce que la première saison, c'est ça. Parce que, rappelons-le, Super Noël, c'est une série de films qui date déjà de quelques années. Et ils ont repris les personnages qui ont bien sûr grandi. Les enfants sont devenus des adultes et ont eux-mêmes des enfants. Oui, les nains sont devenus... Les nains n'ont pas bougé. Et donc, par contre, le Père Noël, qui normalement ne devrait pas vieillir, il a à peu près de la bouteille quand même. Mais donc, et voilà, et c'est toujours... Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont repris le personnage de Tim Allen dans le rôle du Père Noël. Mais si je tiens à préciser... Comme Elisabeth Mitchell, sa femme. Voilà, mais je tiens quand même à souligner, à préciser que ce module, cette émission spéciale qui n'a pas été diffusée à l'époque sur l'antenne de Fadjet est toujours disponible en podcast. Vous pouvez le retrouver sur le site et sur Spotify aussi. Exactement. On est sur Spotify, vous sélectionnez Destination Série et vous aurez les podcasts. Et donc, si sans vouloir spoiler la fin de la première saison, il se rend compte effectivement que plutôt que de faire des castings pour rechercher le Père Noël idéal pour le remplacer, son fils qui était à côté de lui pendant cette saison, eh bien on sent qu'il a envie finalement et qu'il découvre qu'il peut prendre la suite de son père. Et donc, la saison 2, le Père Noël en chef va donc décider de former son fils. Et voilà, toute l'intrigue est autour de cette formation. Ah, j'adore ce que je fais. Allons-y, c'est parti. Alors, ça t'a plu, Cal? Il s'est évanoui. Hein? Oh. He's making a list. best. C'est ce qui est bien dans cette fête, on passe du temps avec ceux qu'on aime. C'est pour cette raison que je tiens autant à ce que le Père Noël soit une affaire familiale. Et je veux que toi, Sandra, tu t'occupes de nos reines. Oh, ouais. Je crois vraiment que Cal a les capacités de devenir le prochain Santa. C'est un cours sur l'histoire du pôle Nord qu'il faut ajouter à la formation de Cal, qui est Magnus Antas. Le Père Noël fou. Tu crois que ça devrait nous inquiéter? Père Noël? C'est moi, Santa. Je suis le Santa légitime. Celui qui occupe le pôle Nord est un vulgaire imposteur. Oh oh oh. Va falloir faire appel à la magie de Noël. Ma vengeance sera rapide. Et sucré, je suis le Père Noël après tout. Joyeux Noël! Je ne sais pas si t'es au courant, mais j'ai été exilé à tort du pôle Nord. J'ai été très méchant et très injuste. Je crois que t'en avais déjà parlé. On est tous emplis de magie. Ça va aller. Gary apporte mon jetpack. Gary retrouve le casse-noisette. Gary mange pas les tartelettes périmées qui étaient aux déchets. Quand est-ce que ça s'arrêtera? Il se dirige droit sur nous. Attends, c'est quoi? C'est un explosanta. Moi, ça m'interpelle de savoir qu'on a une arme au pôle Nord dont le nom est Explosanta. C'est une blague hilarante. Et joyeux Noël à vous aussi. Oui, d'ailleurs, joyeux Noël, Laurent va me le dire, ce qu'il me disait hors antenne. Je rappelle que nous ne sommes que le 10 novembre. Certes, Laurent, nous ne sommes que le 10 novembre, mais... C'est comme les téléfilms de Noël qui ont démarré en octobre. Oui, mais je passe cette bande-annonce aujourd'hui parce que la série est sur Disney+, depuis mercredi, depuis le 8 novembre. Oui, voilà. C'est pour ça que ça me permet de signaler qu'on est que le 10 novembre. Oui, alors pourquoi effectivement? Parce qu'ils vont... Bientôt, on aura la Galette des Rois en décembre. Mais je pense que, oui, c'est un peu comme ça. On sort un peu les... Pour pouvoir espacer tout cela jusqu'au fait, certainement, pour pouvoir se prendre un petit épisode comme ça. Il y en a 6 ou 7. D'ailleurs, il n'y a pas énormément d'épisodes. Une petite pépite. Au passage, on peut se refaire la saison 1. Elle est toujours disponible. Et on peut se refaire la saison. Alors, c'est pas de la grosse série, hein. C'est de la série un peu divertissante. The Walking Dead. C'est pas The Walking Dead, mais c'est pas non plus du scénario. Mais je trouve que moi, ça m'a plu de retrouver un peu l'ambiance de Super Noël de l'époque où j'étais un peu plus jeune. Voilà. Et pourquoi pas, à un moment donné, faire un spin-off entre Super Noël et la série de Monsieur Parizeau. ouais, pourquoi pas. Alors là, on change de style. Et là, nous partons en Allemagne avec une bande-annonce en allemand. Donc là, vous allez un peu réviser. Mais c'est assez simple. Hein. C'est des mots simples. Manon, tu peux traduire, si tu veux, à Laurent, cette bande-annonce. Tu devrais pouvoir... C'est la série Chère Petite, là ? Chère Petite. C'est en allemand, ça ? C'est en allemand. Alors, ça me donne l'impression d'être écrit en français. Alors, Chère Petite, alors, qui pourrait se traduire, Manon, par ? Ouais. Non, oh, pas. Punaise, j'ai pas fait allemand. Non, je l'ai en anglais, là. Je l'ai pas en... Chère petite. Dis. Bon, on n'a pas le temps. C'est pas très radiophonique, ce que vous faites, là. Liebeskind. Oui, je savais, petite. Ouais. Chère petite, ou Liebeskind, en allemand, est l'adaptation à l'écran d'un roman de Romy Haussmann, paru en 2019, quelque part en Allemagne, une femme est découverte le long d'une route en pleine forêt. Ah d'accord, ça va être encore un truc joyeux, ça. Et elle a été percutée par une voiture. Voilà. Le conducteur a pris la fuite. Voilà. Les secours arrivent. Ah quand même. À côté d'elle, dans l'ambulance, une petite fille. Ah, que fait-elle dans l'ambulance? Une petite fille. C'est un fantôme? Liebeskind, Manon, tu ne suis pas. Étonnamment calme et mature qu'il l'appelle... Elle va l'appeler comment? Maman. Oh, bravo! Oh, quel talent! Rapidement, les analyses ADN révèlent que les deux personnages n'ont pourtant aucun lien de parenté. Qui est Anna? Qui est Lena? Donc Anna, le bébé. Enfin, le bébé. La petite fille. Liebeskind, Lena, la maman. D'où viennent-elles? Que cachent-elles? Les enquêteurs vont aller de surprise en surprise dans cette enquête au suspense haletant. Bande-annonce, tout de suite, là, sans perdre une seule seconde. Allô, Anna. Darf ich dir ein paar Fragen stellen? Anna? Wie war der Wald? Es war dunkel. Versuch mal, dich zu erinnern. Du und deine Mutter, ihr seid für irgendwas weggelaufen. Wie heißt deine Mama? Lena. Ist das denn weit weg, euer Haus? Das kann ich nicht sagen. Hat dein Papa mal was gemacht, was du irgendwie doof fandest? Nein. Oder was deine Mama doof fand? Sie wollte aus Versehen Papa umbringen. Vor 13 Jahren ist unsere Tochter Lena verschwunden. Das Kind, die Frau, das ist die erste echte Spur seit 13 Jahren. Das ist sie nicht. Wer ist das da? Wie kann das sein? Wer kann noch in dem Haus sein? Glauben Sie dem Mädchen? Er ist immer bei dir. Voilà, vous avez compris l'essence même de cette série, un suspense attelant. Cette femme et cette fille, qu'est-ce qui leur est arrivé? Ont-ils vraiment un lien quelconque entre elles? Une série à suspense, 5 épisodes de 50 minutes, 6 épisodes pardon de 50 minutes qui passeront très très vite avec une distribution magnifique des gens qu'on ne connaît pas, des Allemands qu'on ne connaît pas mais qui méritent vraiment... vu le talent de l'interprétation, donc à découvrir sur Netflix. Je m'excuse Benoît de te couper, mais là vu qu'on a écouté une bande-annonce en allemand, des Allemands qu'on ne connaît pas, on peut diffuser un Allemand qu'on connaît. En plus, on reste dans l'Allemagne. Exactement. Et on reste dans l'Allemagne, tu peux même le laisser en fond, je te l'accorde, avec une autre série, parce que comme on est un peu à la bourbourg, une autre série... À la bourboule ? À la bourbourg. Alors, une série... Alors, peut-être que la bande-annonce va inciter ma chère et tendre fille à aller regarder cette série, parce que c'est cette série-là que je voulais lui proposer, et donc on a fini sur série... C'est une série allemande aussi ? Non, c'est américain. Ah. Ça s'appelle, alors un nom, Toute la lumière que nous ne pouvons voir. Et tout le monde en fait des critiques, c'est magistral. C'est très court, c'est 4 épisodes de 55 minutes. En 1944 à Saint-Malo. 55 minutes, c'est court ? Non mais 4 épisodes de 55 non, minutes. D'accord. En 4 heures, c'est fini. On est loin des années 80 où on avait des séries qui faisaient 28-30 voilà. épisodes par saison. Nous sommes en 44, Laurent. Ah, on n'est pas en 39. À Saint-Malo. Alors que sous les bombardements alliés, Marie-Laure, une jeune aveugle, utilise un vieux poste de radio pour diffuser des extraits d'un roman de Jules Verne. Werner, un soldat allemand, spécialiste des transmissions, écoute ses émissions. La guerre, deux héros, deux ennemis, adapté d'un roman d'Anthony Dare, cette mini-série frappe d'emblée, visuellement par sa reconstruction brute, brutale et crépusculaire, le spectateur est littéralement plongé dans le cauchemar du conflit, notamment grâce au travail sonore qui participe grandement à cette immersion. Nos deux héros, aux prises avec un nazi qui en embuscade convoite l'océan de flammes, un mystérieux diamant auquel on prête des pouvoirs infinis. Tout cela va nous entraîner dans un tourbillon émotionnel allant crescendo au fil des épisodes. Alors, et en puis, il y a ce père disparu dans la tourmente, incarné par Mark Ruffalo, dont chaque apparition à l'écran nous touche en plein cœur, une fresque humaine et humaniste qui ne peut laisser quiconque indifférent. Cette critique, elle est signée Christophe Séverin dans Télé 7 jours. Quand je lis cette critique-là, quand j'entends la bande-annonce, moi, ça me donne envie, et c'est une critique quasi unanime. Donc voilà, une bande-annonce, pardon, qui a la particularité d'être aussi en audio description. Vous allez remarquer, pour les aveugles, justement. Et là, on va pouvoir voir l'audio-description. Qui est un petit peu particulière. On est très fort dans cette émission. Hein. Franchement, là, on a une technologie de ouf. Eh ben, tu vas l'entendre. Vas-y. Une adolescente allume du matériel radio. Mesdames et messieurs. Elle avance dans une rue, frappant le pavé à l'aide d'une canne blanche. Avant de commencer la transmission, je voudrais vous raconter une histoire. Un sexagénaire écoute au casque. Dans cette période d'obscurité insensée, les nazis défilent sur les Champs-Élysées. De vieux hommes ridicules envahissent des villes. J'ai voulu tenter de me rappeler que la lumière est éternelle. Dans un grenier, un jeune soldat allemand écoute au casque. Que les ténèbres. Les ténèbres ne durent même pas une seule seconde. Lorsqu'on allume la lumière. Je risque ma vie avec ces transmissions. L'aviation américaine bombarde une ville portuaire. L'adolescente et le jeune soldat sont projetés au sol. Mais personne ne m'imposera le silence. Elle se relève, remet le micro en place. J'espère vous retrouver demain soir. Elle éteint l'émetteur. Quand j'étais petit, le jeune homme en civil arrive dans une école du Reich. J'avais pour mission de localiser les radios. Dehors, sous une pluie battante, il s'entraîne. Les choses que j'ai vues, elles me hantent. Il est roué de coups par des camarades. Votre voix était mon échappatoire. Un gradé au soldat. Nous allons la trouver et c'est vous qui lui tirerez une balle dans la tête. Par le réalisateur Sean Levy. Les Allemands ne sont pas très loin. L'adolescente à son père. Tous les êtres de ce monde se sont mis à devenir maléfiques en même temps. Le soldat écoute les ondes. Non, pas tout le monde. Le sexagénaire à la longue barbe grisonnante discute avec le père de l'adolescente. J'ai besoin que tu n'attires plus l'attention sur cette maison. Marie n'est pas en sécurité. Dans une cellule. Je trouverai votre fille. Le gradé menace le jeune soldat. Si vous l'embinez, vous serez le premier à mourir. L'adolescente touche une maquette de la ville. Tu dois déjà te douter. Le sexagénaire à l'adolescente. Que tu envoies des messages qui aideront à gagner la guerre. La jeune brune passe le doigt sur une page en braille. On ne peut pas donner notre nation à ces monstres. La France ne leur appartient pas. Le jeune soldat court sur les remparts de la ville attaquée. Le jour de la libération. Une personne de notre génération a pensé que si elle parlait de façon raisonnée, alors peut-être que la guerre insensée pourrait prendre fin. L'adolescente et son père s'étreignent. Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais je reste ici. Là où tout a commencé. Sur les remparts, le jeune soldat est happé par une explosion. Et voilà, on y est. Un nazi. Je sais que tu es là-haut. Il surgit dans la maison. Tu ne t'échapperas pas. La lumière la plus importante est la lumière que nous ne pouvons voir. Des lettres en braille forment le titre « Toute la lumière que nous ne pouvons voir ». Louis Hoffman, Lars Eidinger, Marion Bailey, avec Hugh Laurie et Mark Ruffalo. Et pour la première fois, Aria Mia Loberti, seulement sur Netflix. Voilà cette innovation pour aveugle, cette bande-annonce en audio-description. C'est spécial à écouter. C'est spécial à écouter, mais je trouve qu'effectivement, c'est fait pour les gens qui ne peuvent pas voir. Et donc, ça passe bien en radio, parce que du coup, tu vois ce que montre la bande-annonce. Je suis bluffé. Hein, c'est une innovation, on n'avait jamais fait ça, donc pourquoi pas. Chapeau. Tant, alors, on aurait pu entendre plein de choses, plein de musique. J'avais une petite chanson de Noël. Oui, mais ça va, on est le 10 novembre. Mais on est le 10 novembre, voilà, je ferai un spécial Noël, en fait, à Noël. Ce qui est, somme toute, même fin novembre, à la rigueur. Tu peux ouvrir le bal, si tu veux, en avant-première par rapport aux autres. C'est bien. Et tu fais ça fin novembre. Et on va se quitter avec les Beatles, parce que, voilà. C'est nouveau, c'est inédit. C'est nouveau, c'est inédit. C'est fait à l'intelligence artificielle. Parce que, voilà, on a récupéré des trucs, on a fait des bidouillages, un peu comme on avait fait avec Michael Jackson, on arrive à lui faire sortir des chansons alors qu'il n'est plus là. Eh ben, on fait pareil avec les Beatles, dis donc. Eh ben, moi, ça me laisse rêveur pour les Modern Talking. Ils sont encore, il y en a qui sont encore là, hein. Oui, bah, moi, ils sont encore là, les deux. Des Beatles, donc, voilà, ils ont, mais c'est quand même l'intelligence artificielle qui a fait ça, et quand on voit le résultat, eh ben, on se dit que c'est quand même plutôt pas mal. C'est numéro 1 aux États-Unis. Et là, j'ai dit, voilà, je viens d'avoir l'info qui vient de tomber sur mon téléphone. Tout à fait mal? Eh bien, c'est numéro 1 en Angleterre, le classement anglais qui vient de sortir il y a quelques minutes. Et alors qu'ils avaient fait une entrée timide la semaine dernière à la 44e place, se retrouve cette semaine numéro 1. C'est quand même mieux. Hein, ça sent une bonne place dans le haut de 40, ça. Eh oui, ça va rentrer très vite. Hein. Pas ce soir, mais la semaine prochaine, sans doute. Hein. Allez. Pourquoi pas ce soir? Bah parce que ce soir, il est déjà un peu préparé, le classement. Donc ah oui, mais tu fais ça en direct, tu peux rectifier tout de suite. Oui, c'est du direct. C'est un peu comme la Starac. C'est du direct avec un petit différent. Allez, on se quitte parce qu'on a fait un peu de rab avec donc les Beatles, le nouveau Beatles, Now and Then. Allez, bon week-end, Laurent, à la semaine prochaine. Oui. Moi, à dans une demi-heure pour le classement. Et puis, passez un très très bon week-end à toutes et à tous. Bye bye. Bye bye. Bye bye. 1, 2, 3.